te kafono bachale, gade mache yoza mache, la vie ni ongu ome, pani aye pou yo manje. Takit fe me jou ka ouve, mi an lot jou ki fe la te, se an lot jou pou yo soufe, bayou. Enfants.